Je me sens si fatigué. Comme si j'avais une vie remplie d'excès. Mais rien ne se passe. Tout est calme et ordonné. C'est une impasse. Où voulais-je aller? Je n'ai pas l'âge. Regardez en arrière. Je n'ai pas l'âge. Tout ce que j'ai pas pu faire. Magasin.